Vous écoutez l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'annonce la fin de l'émission et vraisemblablement, ça approche de plus en plus ce moment fatidique qui est sur le point d'arriver. Et c'est pourquoi je me sens assez fébrile aujourd'hui et essoufflée parce que là, je viens de courir dans les corridors, comme à l'habitude. Ça fait pas vraiment changement. Et tel qu'annoncé aujourd'hui, je vais recevoir plusieurs collaborateurs qui ont accepté l'invitation que je leur ai faite, c'est-à-dire de venir présenter leur coup de cœur. Donc, aujourd'hui, ce sera une émission qui va être assez diversifiée, j'imagine, au niveau du contenu musical, puisqu'on aura une quinzaine de collaborateurs qui sont à la fois des amis, des animateurs et ou employés de C'est fou, mais en tout cas, c'est tous des amateurs de musique. Donc, je vais introduire notre prochain collaborateur, chroniqueur, nommez-le comme vous voulez. J'ouvre pas ton micro tout de suite, Kiwan La Liberté, puisque je t'annonce avant. Donc, il co-anime Assemblage requis du lundi au jeudi en compagnie de Mathieu Plante. Il anime également l'émission spécialisée en musique émergente francophone La Dernière Porte à Gauche les mercredis de 17h à 19h. Et il a même été juge au dernier mardi de la relève au Gambrinus. J'y étais. Bonjour Kiwan. Salut Sophie. Tu vas bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Je suis contente de t'accueillir à Chérie m'écoutes-tu. C'est rare que j'ai le rôle de la personne qui accueille des gens, donc je suis contente de t'accueillir. Ben, c'est un plaisir pour moi d'être ici à ton émission. Merci. Donc, écoute, j'aimerais ça avant, peut-être de passer la pièce que tu as choisie, avoir tes commentaires sur le spectacle qu'on a vu ensemble vendredi. Oui, à Feu de forêt dans le désert, vendredi dernier. Ben justement, tu vois, la pièce qu'on va écouter tout à l'heure, ça fait déjà au moins une semaine que je l'ai choisi. Ça fait longtemps que tu nous avais parlé de l'émission. Fait que là, toujours la réflexion un peu difficile à savoir qu'est-ce qu'on va aller présenter à Sophie Laforêt. J'avais choisi ma pièce finalement la semaine dernière, mais là, en fin de semaine, j'ai beaucoup hésité justement à cause du spectacle de Feu de forêt dans le désert de la semaine dernière qui était vraiment très, très bon. En plus, que j'ai même pas vu au complet. Et malgré que j'avais pas vu au complet, je trouve que c'était quand même... En tout cas, de ce que je sais et que j'ai vu des premières éditions, je pense que c'était vraiment le meilleur feu de forêt qu'il y a eu à Trois-Rivières dans les 6 derniers mois. Et c'est ça, moi, j'écoute beaucoup en fin de semaine. J'ai écouté beaucoup Intensive Care parce que j'ai pas pu rester pour Thorngat. Donc, sûrement que je serais probablement, moi aussi, comme tout le monde qui était là, tombé en amour avec Thorngat si j'étais resté. Que je connais quand même un peu, là, Thorngat. C'est pour ça que ça me... J'avais pas à la base beaucoup de... Je savais pas, en fait, là, que ce serait si bon en spectacle. Donc, Non, c'était bien. Puis je pense que ce qui a été particulier de cette édition-là, je pense que c'est... Bon, comparativement, j'en ai vu deux, là, je vais être honnête avec tout le monde. J'en ai vu deux, j'avais vu le 5e puis le 6e. Je trouvais que le public était beaucoup plus attentif que la fois précédente. Puis je pense que ça a ajouté beaucoup au spectacle, justement, vu le genre de musique qui était présentée, qui était des musiques avec assez d'arrangements, assez planantes, des pièces qui vont un peu dans tous les sens. Donc, puis Thorngat qui était, je sais pas, enveloppant. Comme c'était de la musique enveloppante. J'étais vraiment enveloppée. Ouais, le style des groupes qui étaient là nécessitait quand même justement plus d'attention un peu que le mois dernier. Bon, on s'entend là-dessus. Pour se laisser envelopper, ça prenait quand même un minimum d'attention. Fallait se laisser... En tout cas, oui, fait que c'est quoi la pièce aujourd'hui que tu me présentes? Oui, finalement, ça va être une pièce du groupe Love Is All, je crois que tu connais, parce qu'il me semble que j'ai découvert ça ici à ton émission. Est-ce que je me trompe? Ça se peut. Je sais que j'ai un album chez moi, puis peut-être que c'est une formation suédoise. Est-ce que je me trompe? Exactement, c'est une formation suédoise. Oui, puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique suédoise. Donc souvent, ça arrive comme ça dans mes oreilles sans que je le veuille parce que c'est suédois puis que j'ai décidé que tout ce qui était suédois était bon, ce qui est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Non, justement, j'ai justement écouté un artiste suédois la semaine dernière que j'ai vraiment pas aimé, mais c'est pas de ça que je vais te parler. Je vais te parler de Love Is All que moi j'ai principalement découvert, j'ai découvert plus en profondeur là trois semaines au spectacle de Jape and Droids que je suis allé voir à Montréal. Love Is All faisait la première partie. J'avais déjà entendu un peu le nom du groupe Love Is All, donc j'en écoutais un peu avant aussi. J'ai trouvé ça bon, mais c'est vraiment en les voyant en spectacle que je suis tombé en amour avec ce groupe-là. Je me suis acheté l'album par la suite. Leur dernier album, en fait, qui s'appelle 2010 Injuries, est sorti récemment. C'est le 22 mars dernier, ça fait vraiment pas longtemps. Et j'ai écouté un peu de ce qu'il avait fait avant cet album-là. C'était un petit peu plus rough, je dirais, avant. Un son un petit peu plus avec un petit peu plus d'influence punk, je dirais, même sur leur vieux album. Cet album-là est vraiment beaucoup plus mélodique, je trouve. Donc, tu nous le conseillerais davantage, celui-là? Ben, si vous aimez... Ben, en même temps, en spectacle, je te dirais qu'il y avait un espèce de son un peu, justement, rough, son lo-fi, un peu post-punk, je dirais. Puis c'est ce que j'avais aimé beaucoup, mais en même temps, les mélodies sont tellement accrocheuses sur le dernier album, 2010 Injuries. Toutes les mélodies de chacune des pièces, ça reste dans la tête. C'est un album qui s'écoute super facilement, qu'on aime à la première écoute. Et moi, j'ai choisi la pièce Never Now pour te faire entendre aujourd'hui. Merci, Kiwan. Donc, on entend tout de suite la pièce et on en reparle après cette écoute. Parfait. C'était Love is All avec la pièce Never Now. J'aime beaucoup. Quand même très mélodique, hein? Oui, puis j'aime beaucoup les voix. Tu sais, je veux dire, c'est, en même temps, ça semble. Comment je pourrais dire ça? Simple, là. C'est pas quelqu'un qui a des grandes vocalises, là. Non. Même dans la musique, les arrangements, là, ça reste quand même quelque chose de très simple. Beaucoup de gens qui les comparent, surtout dans leur pays, à The Radio Department. Je sais pas si ça t'a fait penser un peu à ça. Oui, ben un peu. Je veux dire, là, c'est rapide, là, mais j'ai écouté récemment le dernier album de Radio Depp, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce groupe-là aussi. Mm-hmm. Encore la Suède qui... Encore une fois. Qui sévit. Hey, mais merci beaucoup. Ben, merci à toi, Sophie, puis merci pour ces deux années d'excellentes émissions de Chérie m'écoute-tu. Ben, merci. Puis j'espère qu'on pourra un jour entendre Chérie à quelque part. À quelque part, qui sait. Sinon, je vais faire un podcast... Un podcast homemade chez moi. Et je vais diffuser ça sur mon blog. Je sais pas. je vais voir ça. Donc, justement, je pourrais peut-être le mentionner pour les gens qui nous écoutent. Je ferai des liens. Entre autres, Théo, en début d'émission, qui m'a laissé un texte par rapport à l'artiste qui a fait jouer, donc Chris Murray. Donc, vous pouvez consulter le blog de l'émission, le www.sophieaimelamusique.blogspot.com, et j'ajouterai des liens. Et qui sait, on pourrait ajouter une pièce en écoute de Love Is All. Peut-être. Ce serait une bonne idée, une autre que celle que tu as proposée aujourd'hui, pour donner une idée aux gens de l'étendue de leur talent et de leur pièce mélodique. Et parlant d'assemblage requis, Mathieu Plante. Et mais là, j'ouvre ton micro, mais là, tu ne diras pas un mot parce que je dois te présenter avant. Je viens de le fermer. Donc, Mathieu Plante, il est l'animateur vedette de C'est fou. Il co-anime Assemblage requis du lundi au jeudi avec Kiwan. Il est également le geek de C'est fou et il anime l'émission CNX.zip les jeudis de 10h à 11h en avant-midi. Il est mélomane aussi, également, et il anime les palmarès C'est fou les mercredis et jeudis de 13h à 15h. Il est aussi webmestre, ici même, à C'est fou. Et en terminant, mesdames, j'aimerais spécifier que Mathieu est en couple, donc inutile d'espérer quoi que ce soit de cette star des ondes. Salut Mathieu. Caroline, j'en espérais pas tant. Moi non plus. Bonjour. Bonjour. C'est gentil. Ben, j'imagine. De spécifier. Oui. Oui, j'ai décidé que là, il était temps que les gens sachent. Ouais. Tu peux pas être une vedette comme ça puis te laisser désirer tout le temps là. Ben non, Caroline. T'arrêtes pas de dire tout le temps que t'es célibataire là, ça fait. Faut tout le temps je barre la porte là, sinon ça finit plus. T'sais. Ben c'est ça, je sais. Moi-même, je suis tout le temps rendue chez. Bon, alors. Oui, je te vois souvent, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu viens présenter aujourd'hui? Mais en fait, je viens de casser les oreilles. Je veux vraiment changer un petit peu de rythme de l'émission parce que tu sais, je me dis, les gens te présentent des choses qui pensent que tu vas aimer, ce qui est parfait. Je me suis dit, moi aussi, tu sais, je pourrais amener quelque chose que je sais que t'aimes et que moi j'aime. Du OK Go, mettons, j'aurais pu faire ça. Ouais. On m'a un petit peu volé la vedette précédemment dans l'émission, mais bon. Ouais, avec Émilie Gauthier. C'est ça. Mais après ça, je me suis mis à chercher. Puis là, je me suis fait dire, bah, arrête de chercher. T'es supposé présenter quelque chose que t'aimes. Ouais. Quelque chose que j'aime dans la vie, c'est le chiptune. C'est la musique qui est inspirée par les jeux vidéo. D'accord? Donc, si je te lis même sur Wikipédia une petite définition rapide de qu'est-ce que c'est du chiptune, est-ce que tu connais ça un peu? Non, puis j'aimerais beaucoup que tu lises ça. D'accord, ben très rapidement. Oui. Donc, du chiptune, ça vient de puce informatique, chip et tune musique. C'est une musique dont les sons sont synthétisés en temps réel par un ordinateur ou la puce audio d'une console de jeux vidéo. Donc, quelqu'un prend une console de jeux vidéo avec des logiciels, différentes façons de faire et puis crée de la musique à partir de ça. Et ça sonne très, très jeux vidéo des années 80. D'ailleurs, c'est là que ça a commencé à être popularisé parce que les consoles n'avaient pas le choix d'utiliser ça parce qu'il n'y avait pas assez de force pour faire de la vraie musique comme plus évolué. Bref, encore aujourd'hui, il y a une scène de ça. Il y a des communautés de gens qui partagent de la musique chiptune, par exemple elbitcollective.com. Et là, je t'en ai choisi un extrait qui est comme entre deux. C'est pas trop intense parce que le chiptune, ça a cette tendance des fois à être un petit peu énervant, selon certains. C'est comme un petit peu stressant. Moi, j'adore ça, mais quand même. Donc, je t'ai amené comme un genre d'entre deux. Il y a des paroles dessus. C'est sur un maxi de J. Arthur Keynes, qui est un de mes artistes préférés dans le domaine. Donc, son maxi s'appelle Pamplemousse. Pamplemousse. Et je te présente la pièce donc chantée, ce qui est très rare dans le domaine du chiptune. Ça s'appelle Catfish Lagoon. Parfait, c'est très intriguant. On entend ça tout de suite et on en reparle après. This ain't your home, your home. This ain't your home, your home. By this time tomorrow, you'll be on. The J.R. Thirteen's Band et la pièce Catfish Lagoon, c'est ce qu'on appelle du chiptune, donc de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou qui est inspirée par les jeux vidéo. C'est différent, hein? C'est différent, mais j'ai bien aimé. Ouais, ben j'ai essayé de t'en choisir une accessible, tu sais, où on chante par-dessus et puis c'est pas trop stressant. Non, j'ai trouvé ça très bon, mais comme tu disais, tu sais, peut-être ça prend un contexte à propos. Peut-être ouais. Pour écouter ça, j'écouterais pas ça nécessairement en soupant. Mm-hmm. Surtout pas un souper romantique. Non, ben non, c'est non. Sûr, c'est sûr. Mais comme plein de styles musicaux, ça s'écoute pas nécessairement à tous les endroits non, en tout temps. Non, je le sais, mais je veux dire, comme tantôt, t'as dit que ça peut être agressant à la longue. Ouais. Tu sais, comme ah, ça, c'est super bien, là, mais. Faudrait que je t'en fasse entendre des extrêmement sautillantes. Mettons qu'il peut y avoir beaucoup de bruit. Excuse. Non, je m'en ai. J'aimerais ça que tu m'envoies ça. OK. Je serais curieuse quand même. Je t'envoie l'article avec des liens que j'ai mis sur le site et puis tu mettras ça sur le tien. Sur le mien, on va faire... Des références. Des doublons. Okay. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir présenté ta pièce aujourd'hui. Merci, merci à aux gens en studio. Là, présentement, il y a Simon, Kiwan, Maxime et aux autres qui ont passé aujourd'hui. Donc, c'était la pénultième émission de Chérémy Coutu, ce qui veut dire avant-dernière émission. Un grand mot scientifique pour dire quelque chose de très simple. Et la semaine prochaine, donc, ce sera l'ultime émission, la dernière. Et je pense qu'il n'y aura pas nécessairement de thématique spéciale à part des coups de cœur. Donc, peut-être des deux dernières années. Fait que finalement, on pourrait dire que c'est une genre de thématique. Donc, de ce qui m'a marqué durant les deux dernières années, qui ont été les années où Chérie m'écoute-tu aurait été en onde de C'est fou. Donc, ce qu'on appelle l'air Sophie ici à C'est fou. L'air Sophie, ta. Donc, parfait. Mais ça me plaît, c'est ça. Ben, je pense que je parle pour tout le monde en disant merci, félicitations pour tout félicitations ce que tu as fait. Pour deux ans de très, très bonne radio de qualité. Ouais. Ben, merci. Et si jamais, mettons, tu fais une émission ailleurs, sur une autre station, tu peux nous écrire pour qu'on te rediffuse. Ah ouais, ok, ouais. Je vais faire ça. Je parle même pas pour Alain, je vais juste dire comme moi je trouve que ça serait cool. Ah ok, ben moi aussi je trouverais ça bien cool, mais sinon aussi j'en discutais avec Simon, j'ai pas l'intention de bouder Trois-Rivières, loin de là, donc si je suis de passage un jour, ben peut-être que j'essaierai de m'insérer dans une des émissions quotidiennes en tant que has-been. Tu vas être une invitée parce que tu vas être une star ailleurs dans un autre média. Non, je te l'ai dit, toi, t'as une carrière glorieuse d'animateur radio en plus de toute ta culture musicale. En tout cas, ça pour dire que j'ai bien aimé vous connaître grâce à C'est fou. Et là, on va pas trop s'éterniser parce que je suis en train de prendre du temps d'assemblage requis. Et comme vous allez retrouver tous ces jeunes hommes qui sont présentement autour de moi, donc Kiwan, Maxime, Mathieu et peut-être même Simon Fitzbé qui dira quelques mots en onde. Dans le rôle du gars dans le coin. C'est ça qui va squatter. Donc, on se retrouve lundi prochain à 13h, lundi le 26 avril pour la dernière émission de Chérie m'écoute-tu. Et on se quitte le temps d'une courte pause en attendant Assemblage requis qui va débuter finalement aujourd'hui, genre à 15h08.